une histoire particulière. Promenons-nous à Tulle, au croisement de la rue du Fourré et de l'avenue Charles de Gaulle, dans le quartier du Trec, on peut y voir la fontaine des Clampes. Clampard en occitan signifie bavarder, cancaner, faire la commère. Les Clampes sont donc les commères colporteuses de rumeurs et de ragots auxquelles elles se font un plaisir d'apporter une touche personnelle. Pas vraiment bienveillantes, les Clampes peuvent être très inventives. Une statue rend hommage à ces pipelettes. Au-dessus de la fontaine, au coin des Clampes, deux tréchoises jacassent. Tulle, la seule ville de France qui a érigé un monument à la gloire de la médisance. Mais cet élément fait avant tout écho à l'histoire que Romain Weber et Julie Bérécy vous ont racontée hier dans le premier épisode de l'affaire du corbeau de Tulle à travers une femme, Angèle Laval. C'est dans la suite de cette histoire que je vous laisse replonger aujourd'hui. Tulle, décembre 1921. Cela fait 4 ans que le quartier du Trec est assailli de centaines de lettres anonymes bourrées d'insultes et de calomnies. Auguste Gibert, dont la femme est accusée à tort, s'est suicidé. C'est impératif, il faut trouver celui qui se fait appeler l'œil de tigre ou le Lucifer de Tulle. Les soupçons se portent sur une jeune femme, Angèle Laval. Je suis l'œil de tigre. Je ne crains ni Dieu, ni diable. Malheur à mes ennemis. Marie-France Houdard, on est devant le 111 rue de la Barrière. Oui. Il y a quelqu'un de connu à Tulle qui a habité ici, c'est Angèle Laval. Ouais. Elle habitait où? Au deuxième étage. Et donc l'entrée est là. On l'imagine bien là, elle a une fenêtre directement sur la rue. Ouais. Hein, on l'imagine bien à sa fenêtre, comme ça, tirer le rideau, regarder les gens qui passent. Ouais. Il faut comprendre une jeune fille dans une ville comme ça, un peu étroite, un peu sombre, un peu étriquée, où elle ne se voit pas de débouchés, que peut-être se faire épouser par quelqu'un qui lui ouvrira des perspectives. Je pense qu'elle devait un peu exploser dans ce petit appartement où, sans perspective, sans... Avec juste pourvu hein, l'immeuble qui a 3 mètres en face. Hein. Voilà, exactement. À peine 3 mètres en face, oui, oui. Peut-être qu'on peut essayer de rentrer. Bah, allez, essayez, si on c'est on bien. On le sait. Et là, on a les boîtes aux lettres. Alors, on sait qu'on en a reçu plein. Hein. Oui. La mère d'Angèle Laval, et puis Angèle Laval elle-même, on a reçu aussi. C'était pas difficile en sortant, oui. Oui. Mais Angèle Laval, elle s'envoyait à elle-même des lettres anonymes. Ah oui. Mais pourquoi faire? Ben, pour se disculper, pour dire, vous voyez, c'est pas moi, parce que j'en sors moi aussi. C'était très intelligent. Là, on est au deuxième étage. Je devais habiter là. Appartement d'Angèle Laval. Là où elle est née, là où elle a vécu toute sa vie, là où elle est morte aussi. Oui, elle est morte en 67 et elle avait quand même 81 ans. Alors que dans le moment de l'affaire, elle avait 31 et quelques années. Mais elle vivait cloîtrée, elle n'osait pas sortir parce qu'elle avait peur de... Peur de quoi? Mais peur de la réaction des gens. Il paraît que les enfants la poursuivaient en la prenant pour une sorcière. Tout le monde avait peur qu'elle jette le mauvais œil. C'est devenu un peu une femme maudite, quoi. Donc elle n'osait pas sortir. Et vous savez, ici, il y a quand même... Il y a ceux qui sont... On les appelle les jovins, les jovins et les mal-jovins. C'est-à-dire ceux qui ont le bon œil et ceux qui ont le mauvais œil. Ceux qui portent bonheur et ceux qui portent malheur. Et on considérait qu'elle avait le mauvais œil, qu'elle portait malheur et que... voilà, on avait un peu peur de la voir parce qu'elle avait été tellement malfaisante. Elle va paraître par la fenêtre. Un corbeau et des hommes. Julie Bérécy, Romain Weber. Deuxième partie, Lucifer habite au 111. Donc Angèle Laval, qui est née en 1896 à Tulle, rue de la Barrière. Elle est née dans la maison où elle vit toujours, là. Françoise Vigneron. Journaliste. Et elle y vit donc avec sa mère, qui est veuve, et puis son frère aîné, qui a 6-7 ans de plus qu'elle, qui s'appelle Jean. Angèle Laval va à l'école, dans le Trec, une école de filles, rue des Portes-Chanac. Mais Angèle, malgré ses qualités intellectuelles indéniables et un bon niveau d'instruction, n'en fait rien. Elle retourne chez elle et elle brode avec sa mère, où elle participe pendant la guerre aux ateliers de ces dames, d'ateliers de charité, pour faire des pulls, tricoter des pulls et des chaussettes. Voilà. Angèle est une toute petite femme, entre 1m55 et 1m58, moins d'1m60, qui est menue, fluette, elle est brune. Elle n'est pas laide. Alors, ce qu'on sait aussi de son comportement, on le sait assez précisément, par de nombreux témoignages. Qu'a-t-elle fait à la préfecture? Ben, à peu près rien. Elle était très fainéante. Dès qu'on lui demandait quelque chose, elle le faisait de très mauvaise grâce, ou pas. Et quand on voulait la réprimander, elle s'abritait derrière la puissance de son frère aîné, qui la protégeait, quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle dise. Donc voilà, elle a passé quelques années et elle faisait preuve de beaucoup de médisance. Et elle était très intéressée par... c'était une demoiselle. Hein. Quand elle entre à la préfecture, elle a 33 ans. Et à l'époque, on disait pas une célibatante, on disait une vieille fille, hein. Et 33 ans, c'était un peu râpé, quoi. Et voilà que elle s'intéresse beaucoup, diront toutes ses collègues féminines, au sexe. Elle pose des questions, savoir comment se passent les ébats, ce qu'on ressent. Elle essaye d'avoir une telle qui se marie, comment s'est passée la nuit de noces. Enfin, elle est très, très branchée sur la sexualité de ses congénères. On découvre une personne qu'on n'attendait absolument pas. On avait l'impression d'une femme pieuse qui va à la messe, d'une bonne petite bourgeoise, à la vie réglée, d'une vieille fille, très morale, très pieuse, etc. Jean-Yves Le Naour, historien. Et en réalité, on découvre que c'est une femme complètement travaillée par la sexualité. Elle avait jeté son dévolu justement sur Jean-Baptiste Moury. Et Jean-Baptiste Moury, devant le juge, raconte qu'elle organisait parfois des concours de mollets. Elle prétextait des concours de mollets et elle levait sa robe très haut en disant « Touchez mon mollet, voyez s'il est bien ferme, etc. » tentant de l'aguicher. Et puis, il y avait aussi cette histoire en 1919 où elle avait donné rendez-vous à Monsieur Moury dans le bureau de son frère, prétextant une affaire de service, à l'heure du déjeuner. Son frère n'était pas là, Jean-Baptiste Moury arrive, mais Angèle y est, et elle ferme le verrou de la porte, elle commence à se déshabiller. Dès que je suis entré, elle tourne le verrou intérieur, me saute au cou en me tutoyant. Elle me supplie de la caresser. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle s'était étalée sur le canapé, me montrant ses parties à nu et s'offrant à moi. Elle en arriva, ne pouvant obtenir autre chose, à me prier de lui taper sur les fesses, spécifiant qu'elle adorait ça. Que quand elle était jeune et qu'elle avait commis une faute, sa mère la frappait ainsi, croyant lui infliger une punition, mais que cela lui procurait une énorme jouissance. Il refuse, il ouvre le verrou, il s'en va en courant, mais il l'a blessée, il l'a humiliée. Et il n'y a pas pire démon, évidemment, qu'une femme blessée, qu'une femme humiliée. À partir de ce moment-là, elle va tout faire pour faire échouer le mariage avec Marie-Antoinette Fiou. Elle va se battre dans les couloirs de la préfecture avec Marie-Antoinette Fiou, crépage de chignon. Alors, comme elle n'est pas titulaire, le préfet, eh bien, va la licencier en décembre 1919. Ce qui fait que elle n'a plus rien du tout. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas de mari. Et elle voit, celui sur lequel elle a jeté son dévolu se marier, la petite Fiou vivre dans le bonheur, avoir des enfants. Mais c'est trop injuste. En fait, elle est née trop tôt, Angèle Laval. Si elle vivait aujourd'hui, bon, bah, elle s'inscrirait sur des sites, elle sortirait et elle pourrait se combler tous ses désirs. Mais à l'époque, dans une petite ville comme ça, avec toute son éducation, c'était impossible pour elle. Donc il y a toute cette sexualité rentrée, refoulée, qui ressort dans ses lettres. Et aussi, je pense que pour la première fois, elle existe. Elle qui est insignifiante. On le voit dans certaines lettres. Elle dit « Je suis l'œil de tigre tremblé, je suis le Lucifer de Tulle. Devant moi, prosternez-vous. » Enfin bref, on la craint, on la redoute. Elle qui est insignifiante. Pour la première fois de sa vie, elle existe. Angèle Laval, elle commence à être bien soupçonnée de l'être, oui, par le juge et le procureur, mais il faut qu'ils arrivent à le prouver. Alors là, coup de génie, et ils vont aller chercher le meilleur spécialiste de criminologue de l'époque, à Lyon, le professeur Edmond Locard. Il y a eu une collecte en ville après la mort de ce pauvre Gibert, une collecte qui a permis à la justice de s'offrir les services du meilleur spécialiste de l'époque. Locard envoie un premier mot au juge pour lui dire que l'essentiel est écrit de la même main, mais que pour pouvoir déterminer qui les a écrites, il faut procéder. Il propose d'organiser à Tulle, au tribunal de Tulle, une dictée. Et après, seulement, on comparera les lettres anonymes avec le fruit des dictées. Et c'est comme ça que Locard arrive à Tulle par le train à la gare de Tulle le 15 janvier 1922. Et que le 16 au matin, 8 femmes sont convoquées. Et parmi ces 8 femmes, il y a Angèle Laval, sa mère, Marie-Antoinette Fiou, devenue Madame Moury, la mère de celle-ci, la sœur cadette de Madame Moury aussi, et puis deux voisines du quartier. Il est évident que le corbeau se trouve parmi vous. C'est une opinion. C'est insensé. Il a raison. C'est pourquoi j'ai décidé de vous soumettre à une épreuve. Il s'agit seulement d'une petite dictée collective. Je m'explique. Un anonymographe ne peut pas tracer un millier de lettres en majuscules sans acquérir une manière d'écriture seconde qui lui devient naturelle. Cette écriture, il peut la dissimuler une heure. Mais la fatigue aidant, elle reviendra obligatoirement sous sa plume. C'est pourquoi j'ai le regret de vous avertir que cette dictée sera longue. Très longue. Prenez vos plumes, je commence. Lettre numéro 1. Petit débauché. Petit débauché. Tu fais joujou. Tu fais joujou. Avec la femme à Vorzel. Avec la femme à Vorzel. Laura Laval. Donc voilà la dictée d'Angèle Laval. Je vais vous la montrer. Romain Legendre, archiviste. Elle commence ainsi, comme je l'avais écrit le samedi 19 novembre au décrotteur qui garde le bourriquet à la porte de la pouponnière, où a été éloignée cette personne collante qui fait des calembours. J'annonçais à Monsieur Dupuis, trésorier, que la lettre était pour lui et non pour Monsieur Moury. Elle est écrite comment, cette dictée ? C'est une dictée qui est écrite en lettres capitales, assez serré et en même temps espacé entre les lettres, mais les lignes sont assez resserrées. On voit que l'écriture est un peu tremblante, on a quelques fautes d'orthographe, on a des confusions entre lettres, entre les C et les G. Les C ressemblent plus à des G, par exemple. L'écriture change entre le début et la fin ? Oui, les 20 premières lignes sont d'une écriture assez appuyée. On voit que la plume est assez appuyée. Et puis, à partir de la ligne 19, de la ligne 20 environ, on voit que l'écriture s'espace, les caractères s'espacent, et on sent que la plume se fait un petit peu plus libre. Alors, à vue de nez, est-ce que ça ressemble aux écritures qu'on a vues dans les lettres anonymes ? Ah oui, à première vue, il y a quand même une ressemblance assez forte avec l'écriture des lettres anonymes. Alors, Locard, il l'a fait asseoir. Il doit d'abord la calmer parce qu'elle pique une sorte de crise de nerfs qu'il décrit scientifiquement, sueur, tremblement, etc. Bon, il lui fait respirer un peu d'éther pour la calmer, parce qu'à l'époque, on calme les témoins en leur faisant respirer un peu d'éther. C'est comme ça. Et elle accepte d'écrire. Angèle Laval, là, on lui fait dicter, mais alors là... 5 pages. À peu près 250 lignes. Oui, 250 lignes, c'est énorme. Alors, évidemment, elle dissimule son écriture au début, elle ne veut pas se trahir, donc elle va mettre 12 minutes à écrire la première ligne, elle va repasser sur les lettres, et puis au bout d'un moment, elle finit par lâcher. C'est toujours la méthode de Locard, hein. Il sait qu'avec le temps, on reprend un peu ses tics d'écriture, donc c'est pour ça que la dictée dure longtemps avec elle, et qu'il lui dit qu'autant de lignes, parce qu'au bout d'un moment, ben, elle lâche, elle écrit de plus en plus vite, et elle finit par se trahir. Avec cette dictée, nous avons le rapport du docteur Locard du 4 mars 1922, qui est un copieux rapport. On a, dans l'ordre de l'alphabet, un tableau avec à deux colonnes. Sur les colonnes de droite, des lettres, des extraits des lettres anonymes. et sur la colonne de gauche, des lettres figurant dans la dictée d'Angèle Laval. Alors regardons par exemple, si on regarde la lettre E. Alors cette lettre E, dans les lettres anonymes, elle a la particularité d'être tracée en deux traits. Un trait qui fait la barre verticale et la barre inférieure horizontale, et un deuxième trait qui vient faire la barre horizontale du milieu. Mais on n'a pas de barre horizontale supérieure. Et dans la dictée, on retrouve le même type de E, finalement le même ductus, comme diraient les paléographes. Regardons une autre lettre, disons le Y. Pour le Y, le corbeau a fait descendre la plume pour faire la hampe du Y, et la plume ensuite est remontée pour faire la partie droite du Y. Et dans la dictée d'Angèle Laval, on retrouve la même façon de tracer ces Y. Jean-Yves Le Naour, l'information fuite assez rapidement. On dit, Angèle Laval est la coupable, elle va être inculpée. On imagine bien la réaction des tullistes. Ça fait 4 ans et demi qu'on cherche l'œil de tigre. Alors comment ils réagissent? Bah très mal, surtout que pendant longtemps ils ont soupçonné à tort Madame Moury, qu'ils l'ont insultée, etc. Donc c'est un vrai choc. Puis il y a eu un mort dans cette histoire. Donc c'est vraiment la mort sociale pour Angèle Laval, pour sa mère aussi. Hein, elle vit avec sa mère. C'est le désastre, c'est le cataclysme pour elle. Et c'est là que au mois de mars, alors qu'elle n'est pas encore inculpée, mais que tout le monde espère bien qu'elle va l'être très prochainement, parce que ça commence à bien faire. Ça fait 4 ans que ça dure. Eh bien, il va se passer un événement tragique qu'on a appelé la tragédie de l'étang de Ruffaut. Marie-France Houdard, on est à l'étang de Ruffaut. On est à quoi, une dizaine de kilomètres de Tulle? Une bonne dizaine de kilomètres, je crois. La brume s'abat sur l'étang, extrêmement humide. C'est un décor très pesant, encore une fois, un petit peu comme Tulle. Hein. Faut dire que le temps est fait pour... L'été, c'est quand même plus joyeux. C'est ici que le 11 mars 1922, oui. Angèle Laval décide d'emmener sa mère dans un suicide à deux. C'est ce qu'elle a dit à sa mère. On va aller se suicider. Vaut mieux en finir, je pense. Elle lui a dit ça, à peu près. Comment est-ce qu'elles font les deux pour se rendre ici? Parce que c'est quand même à 10 km de Tulle. C'est quand même loin. Hein. Puis ça, il faut monter de la cuvette de Tulle. Traverser très peu d'endroits habités. Alors on sait qu'elles sont parties à 11h du matin, elles ont quitté les 111 rue de la Barrière vers 11h du matin. Il semble qu'une dame les ait prises sur sa charrette, qu'elle se soit arrêtée en route dans un bistrot pour un verre de vin blanc au citron. Mais elles sont quand même arrivées ici, semble-t-il, à 16h. Donc pour une vieille dame... accompagnée de sa fille, c'est quand même une sacrée épreuve pour aller mourir. Alors, Angèle a entraîné sa mère vers la gauche, elle l'a laissée là, elle a convaincu sa mère de rentrer dans l'eau, et elle s'est éloignée, a-t-elle dit, pour ne pas entendre sa mère soigner, pour ne pas entendre ses cris ou ses pleurs, ou pour pas voir ça, quoi. Et puis, elle est allée un peu plus loin, à peu près vers là où on se trouve. Elle s'est assise au bord de l'eau. On ne nous dit pas, elle nous a pas dit si elle avait entendu sa mère. Mais dans l'eau glacée du mois de mars, si sa mère a eu le courage de rentrer dans l'eau, qu'elle ne savait pas nager, elle a dû être prise au moins de congestion. Et Angèle s'est assise au bord de l'eau. Un peu plus tard, il y a 3 hommes qui transportaient, semble-t-il, du bois, qui ont entendu crier « Au secours, au secours !» je me noie, au secours !» Ils sont arrivés, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une femme qui, au moment où ils arrivaient, s'est laissée couler dans l'eau, en laissant sa tête hors de l'eau. Angèle Laval. C'était Angèle Laval. Et c'est ce qu'ils ont raconté ensuite. À notre arrivée, elle s'est mise dans l'eau en laissant sa tête hors de l'eau. Donc, ils l'ont sortie de l'eau. Et voilà. Alors, le lendemain, ils ont fait des recherches avec des pics pour sonder l'étang, et ils ont retrouvé le corps de la mère d'Angèle Laval. Voilà. Angèle Laval, l'œil de tigre, est finalement inculpée après 4 ans et demi de lettres anonymes. Et puis, en attendant le procès, l'avocat d'Angèle Laval a une idée. Il faut la faire passer pour une hystérique. Il faut atténuer sa responsabilité. Alors, c'est vrai, il faut imaginer que dans toutes les grandes affaires, il y a toujours des expertises médicales et psychiatriques. Hein. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est une grande affaire par sa couverture médiatique, mais ce n'est pas une grande affaire criminelle pour autant. Mais effectivement, l'expertise va démontrer une responsabilité atténuée dans le sens où elle est décrite comme une hystérique qui est dévorée par la sexualité. C'est un cas qui ravirait le docteur Freud. Ben voilà, elle aurait tellement voulu avoir un homme, elle aurait tellement voulu devenir l'épouse d'un homme, hein, ou la maîtresse de plusieurs. Mais toute son éducation, toute sa culture et sa vie ont fait que elle est restée vierge, elle est restée vieille fille, et c'est quelque chose qu'elle a du mal à supporter. Bon, alors tout ça est qualifié d'hystérie parce que les médecins ne savent pas nommer, et il y a cette notion très globale, de la folie féminine qui est liée à leur utérus, qui est liée à quelque chose du grand mystère féminin. Alors, 20 décembre 1922. Ce document, c'est le fin mot de l'histoire. C'est comme ça que se termine l'affaire du Corbeau de Tulle. Ce document, oui, c'est le dénouement de l'histoire. Ce jugement du 20 décembre 1922 du tribunal correctionnel de Tulle, sur 32 pages, va sonner la fin de cette affaire du Corbeau. Il commence ainsi à l'audience publique du 22 décembre 1922, tenue pour les affaires de police correctionnelle, a été rendu le jugement suivant. Entre monsieur le procureur de la République, demandeur et poursuivant. Et on a le nom donc d'Angèle Laval, prévenue de diffamation et injure publique et non publique, qui comparaît alors en personne assistée de ses avocats. Le dispositif du jugement arrive à la fin et est ainsi rédigé. Condamne Angèle Laval à 1 mois de prison, à 100 francs d'amende pour les délits de diffamation et injure publique et à 5 francs d'amende pour la contravention d'injure privée. Alors ça c'est hallucinant parce que quand même c'est une affaire qui a duré 5 ans, qui a fait venir toute la presse parisienne, on en a parlé, ça fait la une, il y a eu quand même eu 2 morts. Et à la fin, au moment du procès, qu'est-ce qui se passe? 1 mois de prison et puis quelques centaines de francs d'amende, c'est tout. Pourquoi? Parce que Angèle Laval, elle est coupable de diffamation et d'injure publique, tout simplement. Alors là, sur le plan moral, ça a soulevé un énorme bruit, mais sur le plan légal, on ne peut la condamner qu'à pas grand-chose. 1 mois de prison, elle avait déjà fait cette détention après la mort de sa mère, et puis quelques centaines de francs d'amende. Et qu'est-ce qu'elle devient, Angèle Laval, après cette histoire? Elle continue à vivre à Tulle? Bah oui, elle est rentrée chez elle après son procès, donc elle est sortie du tribunal, elle a traversé la Corrèze par le pont en bois, et puis elle est revenue 111 rue de la Barrière, dont elle n'a guère bougé jusqu'à sa mort. Et sa vraie prison, ça a été son appartement finalement, puisque elle a été mise au ban de la société tulliste. Elle vivait quasiment recluse, les gens ne lui adressaient pas la parole, d'ailleurs elle-même ne sortait les premières années quasiment jamais. Les enfants en avaient peur parce qu'on leur disait qu'elle lançait des sorts et qu'elle, même des adultes croyaient qu'elle pouvait vous paralyser d'un seul regard. Donc sa vraie prison, sa peine, sa lourde peine, elle l'a vécue de 1922 à 1967, 45 ans de mise au ban, de solitude terrible. Puis elle est morte vieillesse maladie au terme d'une bronchite. Voilà, mais personne ne va sur la tombe d'Angèle Laval, personne ne s'y rend quasiment, hein. À part moi, pendant les années où j'ai cherché. J'y allais en tout cas une fois par an, le 27 janvier, puisque c'est le jour de la Sainte Angèle, et j'allais lui faire un petit coucou, pas amical, parce que j'ai pas d'amitié, mais pour parler un peu de qu'est-ce que t'as fait, Angèle, t'aurais pu avoir une vie différente. Ça reste un mystère, quoi. Marie-France Houdard, on est devant le cimetière du Puy Saint-Clair, cimetière de Tulle. Oui. Bon, on est devant la grille, et puis il y a une petite écriteau quand même. Il est formellement interdit de laisser pénétrer les chiens, même tenus en laisse. La plus grande décence est recommandée. Les chiens, d'accord, mais les corbeaux sont autorisés ici. Sans doute les corbeaux étaient autorisés, mais la pauvre Angèle Laval, on l'a portée en terre ici. Les cimetières est pour tout le monde. Dieu est censé avoir pardonné. Je ne sais pas, mais en fait, elle est là, oui. Au-dessus, et elle domine la ville de Tulle, et elle est là. Alors rentrons dans le cimetière. Marie-France Houdard, on se trouve devant la tombe d'Angèle Laval. Alors c'est le caveau de sa famille. Il est écrit ouais. famille Laval-Maury. Laval-Maury. Elle est enterrée avec qui là-dedans? Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, on le distingue à peine. Elle n'est pas entretenue, il y a juste une petite couronne en céramique, en faïence, un Christ en métallique posé, mais sinon c'est à peine si on la reconnaît. Je ne pense pas que les gens de Tulle savent où est enterrée celle qui les a fait souffrir pendant tellement longtemps. La plaque est presque effacée, on distingue à peine les noms. À peine. On voit le L de Laval effacé, on voit Aval. Ce qui est étonnant, c'est que tous les autres de cette affaire, Jean-Baptiste Maury, Marie-Antoinette Maury, Auguste Gibert qui est mort, ils sont tous là, ils sont tous à quelques dizaines de mètres. Et oui, bien sûr, ils se retrouvent là. Mais sans doute que les autres sont plus honorés qu'elle. Elle, bon, vous voyez, c'est pas une tombe, comme on dit, en déshérence, parce qu'elle est quand même propre, mais tout est effacé. On voit bien que, bon, ben, souvenir. Mais là, ce que vous voyez quand même de joyeux, c'est qu'on est le 12 novembre. Le 1er novembre, c'était il y a pas longtemps. Et vous voyez que toutes les tombes sont garnies, sont rutilantes de chrysanthèmes. Évidemment, là, il n'y en a pas. Il y en a dans la tombe à côté, dans les deux tombes à côté. Ici, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Et quand il fait très beau et qu'on fait le tour de la colline du Puy Saint-Clair, on voit au lendemain de la Toussaint, c'est resplendissant. Ça brille de mille feux, des couleurs jaunes, dorées, ocre, orange, soleil, des chrysanthèmes. Là, elle est devant son mur de granit noir, avec cette croix noire. Des cailloux gris, trois fleurs en faïence, et puis c'est tout. Je n'ai pourtant point poursuivi le prince charmant. J'ai répondu à un amour que je croyais sincère. Je me suis laissée jouer par un homme qui fut traître à ses serments. Maury fut pour moi un mystificateur. Depuis longtemps, une fièvre perfide glissait en moi, laissant sa proie affaiblie, écrasé d'hébétude et de prostration. Le feu couve longtemps, puis il éclate. Qui allume ce feu secret? La passion contrariée? L'amour déçu? La violence des instincts primitifs? Les soucis? Les peines qu'une voix ensorceleuse messagère de folie inspire? Le désir frénétique? Et cette folie se déchaîne parfois chez les gens les plus corrects. C'était la deuxième partie de « Un corbeau et des hommes » avec Françoise Vigneron, Marie-France Houdard, Jean-Yves Le Naour et Romain Legendre. Merci à Françoise Vigneron, à Antoine Caresma et aux archives départementales de la Haute-Vienne. Lecture, Charlotte Kémy, Marie Constant, Jean-Laurent Bourrel et Michel Baladi. Prise de son, Sandrine Malon et Manon Houssin. Mixage, Éric Boisset. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, attachée de production Daphné Abgral, avec la collaboration de Julia Martin. Lucifer habite au 111, Julie Béressy, Romain Weber. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30, nous parlerons du meilleur ami de l'homme, mais c'est une autre histoire.